Amis SEO, amis éditeurs, amis affiliés, amis spammers, bonsoir et bienvenue dans ce podcast dédié au Ninja Linking. Si vous êtes nouveau dans le monde du SEO, asseyez-vous confortablement, nous allons explorer ensemble ce monde fascinant. Le Ninja Linking, c'est l'art de placer des liens sur des sites web d'autorité. C'est une technique puissante, mais elle doit être utilisée avec soin, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Commençons par comprendre pourquoi le Ninja Linking est si précieux. Les liens provenant de sites d'autorité peuvent vous aider à ranker plus haut dans les moteurs de recherche, mais comment les obtenir? C'est là que le Ninja Linking entre en jeu. Prenons l'exemple des archives web, comme WebArchive, ce sont des sites qui conservent l'historique des pages web. Vous pouvez y trouver des liens historiques, des liens de qualité, et tout cela peut propulser le SEO de votre site. Ensuite, il y a les plateformes de stockage comme Google Drive et Dropbox, vous pouvez y créer des documents publics et y insérer des liens de follow. C'est subtil, c'est intelligent, et cela peut être très efficace. Les forums de grandes marques comme Avast offrent également des opportunités. Mais vous devez participer activement, apporter de la valeur. Et oui, vous pouvez placer des liens pertinents. Vous pouvez même interagir avec d'autres utilisateurs et établir des relations. Les universités américaines sont une autre mine d'or. Pensez aux pages de professeurs, aux publications académiques. Cherchez des champs non sécurisés, injectez du HTML. Mais faites-le de manière réfléchie, éthique. Les associations d'anciens élèves peuvent aussi être une opportunité. Engagez-vous dans des discussions, créez des profils, placez des liens judicieux. Vous pouvez même trouver des partenariats et des collaborations. Mais le Ninja Linking n'est pas sans risque. Il faut savoir naviguer avec précaution. Ne spammez pas, ne soyez pas agressif. Soyez un ninja, soyez furtif, soyez intelligent. Explorez, expérimentez, mais faites-le avec sagesse. Le Ninja Linking est un monde.